Bonjour, bienvenue pour votre horoscope de ce mois de décembre. Ce mois commence le 4 par une nouvelle lune dans le deuxième décan du Sagittaire qui est sextile à Saturne. Le Sagittaire est le signe des études, de l'étranger, de la loi. Il est donc probable que pas mal de choses se passent à l'international, surtout que Mars en Scorpion reste en carré à Jupiter en Verseau, ce qui est signe de violence, de guerre. Il peut y avoir des interventions positives afin d'améliorer les choses. Il n'empêche que la fin des Verseau, Lion, Taureau, Scorpion se trouveront encore bloqués jusqu'au 14 dans l'œil du typhon de ce Mars carré Jupiter. Saturne reste en carré à Uranus encore tout le mois et partira définitivement en janvier. Nous sommes encore bons pour des blocages, une sensation d'enfermement, des retards pour le début du deuxième décan des Taureaux, Lions, Verseau et Scorpions, toujours les mêmes qui sont phagocytés par toutes ces planètes en Verseau et qui sont mal aspectées. Mars passe en Sagittaire le 14 et se montrera donc sous son meilleur jour de dynamisme et de courage, surtout pour les signes de feu, plus les béliers et les balances qui en profiteront aussi. La pleine lune du 19, fin Gémeaux, carré Neptune, ça c'est moyen, risque de donner du fil à retordre aux Gémeaux, Poissons, Vierges et Sagittaire. Déception, désillusion, mensonge, ça peut être aussi un coup de blues, tout bêtement. Bon, en tout cas, elle apporte de nouveaux espoirs, un nouvel élan aux béliers, au Verseau, au Lion et aux Balances de la fin du décan. La fin du mois se passe sous le signe du Capricorne, plus, car nous aurons Pluton, Mercure, Vénus en conjonction dans ce même signe. Donc les fêtes sont sous le signe du calme et de l'austérité quand même du Capricorne, donc ça va quand même pas être une méga fiesta. Mais bon, en même temps, c'est aussi une période de grande remise en question, de grandes décisions pour l'année prochaine qui peuvent être prises. Et donc ça aussi, c'est pas plus mal. Donc il y aura des grandes discussions au sommet quant à savoir ce que l'on va bien pouvoir faire de nos vies l'année prochaine, où Jupiter passera en poisson, donc très vite. Vous risquez donc pour la fin des cancers Capricorne, Bélier, Balance. Là, par contre, tout ça va être en carré à leur signe. Et donc, vous risquez une dispute ou un incident susceptible de gâcher un petit peu l'ambiance, à moins que ce soit tout simplement une sensation de solitude. Ce n'est donc pas encore un mois de tout repos ou complètement bienveillant, mais il y a quand même un petit peu d'amélioration. Bon, je vous souhaite quand même d'excellentes fêtes, passez un bon moment et je vous dis, eh ben, à bientôt pour le mois de janvier. Merci, au revoir.